sein. Je préfère largement les tiens. Tu me fais soupirer, rêver. Et ce pas que en février. Je préfère te voir, chère copine, que d'aller lécher les vitrines. Ce collier tiré à merveille et cette superbe dentelle. Je veux pas ciner, je veux pas chiner, je veux qu'on aille rigoler, ne plus nous en remettre. En rendant l'âme par la fenêtre, tu vois, j'ai l'alcool bien facile et joyeux. Si on se resservait, tu vois, j'ai la lèvre fébrile, je crois que je vais m'oublier. Mais garde-le, mon pull au vert, garde-le bien emmitouflé. Ce soir on sort en plein hiver. Pff, ce soir allez, on va danser tes moufles dans mes moufles. Ton rhume sera mon rhume. Allez, ce soir on couche, on couche, on couche sur le bitume. Ah, ah. Je préfère largement les tiens. Tu me fais soupirer, rêver. Et ce pas que en février. Tu me fais courir, tu me fais marcher. Tu me dis que tu m'aimes. Je te réponds que c'est partagé. Allez, viens vite, je t'emmène.